J'ai mal aux... J'ai mal aux os. J'ai mal aux deux oreilles. Où que je... Où que je sois... Où que je sois, c'est pareil. J'en ai plein... J'en ai plein l'eau, j'en ai plein l'eau du vacarme. Que c'est beau, qu'est-ce que c'est, de la musique.